J'pourrais passer ma vie à tourner les pages, à chercher qui je suis dans d'autres visages. J'pourrais passer ma vie à changer de peau, c'est zéro. J'pourrais faire comme les autres, fermer le livre. Une histoire comme la nôtre, ça peut pas survivre. J'pourrais passer ma vie à me tourner le dos, c'est zéro. Moi je ne diffuse pas quand je te dis que je t'aime. Que depuis que t'es parti, j'ai froid dans les veines. J'ai toujours eu peur des matins amers, sans couleur. Et même si je survis loin de ton soleil, je déteste ma nuit, je hais mes réveils. Ton départ m'a fait mal comme un coup de couteau. À qui veut savoir, qui a voulu partir, qui vit dans le noir. Mais devant mon miroir, tous les scénarios sont zéro. Moi je ne me défile pas quand je te dis que je t'aime. Que depuis que t'es parti, j'ai froid dans les veines. J'ai toujours eu peur des matins amers, sans couleur. Et même si je survis loin de ton soleil, je déteste ma nuit, je hais mes réveils. Ton départ m'a fait mal comme un coup de couteau. Espérer ton retour, c'est zéro.